Quatrième partie. L'île du destin. Chapitre 1. De quand date la séparation entre les Alines et les Alaviriens? Ou plutôt, ont-ils un jour formé un seul et unique peuple? Maître Carboast, mémoire du septième cercle. Ils chevauchèrent durant une semaine avant d'atteindre Al'Jet. L'automne s'était installé dans le sud de l'Empire, et s'il offrait de merveilleuses couleurs aux voyageurs, ceux-ci furent plus d'une fois trempés par une pluie froide et fort désagréable. Le retour de Salim avait toutefois insufflé à la troupe un optimisme que les rudes averses ne parvinrent pas à entamer. Le périple se déroula dans une bonne humeur émaillée par les sempiternelles joutes orales entre Bjorn et Salim, que maniait l'arbitrait impartial, ou presque. Salim avait retrouvé éclat de soi. Il ne souffrait plus en le montant et se transforma au fil des jours en un cavalier plein de prestance. Il reprit ses leçons avec Elana qui, comme promis, lui mena la vie dure. Mathieu, lui, poursuivit son apprentissage de l'art du sabre sous la direction sévère de Siam. Il commençait à perdre les attitudes d'un débutant. Ses mouvements devinrent plus fluides, plus rapides et plus précis. En le voyant vêtu de cuir, le teint hâlé, tenant une lame d'un geste sûr, ses anciens amis des Beaux-Arts ne l'auraient pas reconnu. Lorsque la piste du nord au sommet d'un col révéla la capitale, Mathieu poussa un cri. Il avait arrêté son cheval et se tenait droit, comme pétrifié, la bouche à moitié ouverte, les yeux écarquillés. Camille, qui avait attendu cet instant avec impatience, se délecta de sa surprise. La porte d'améthyste s'ouvrait à quelques centaines de mètres d'eux. Et la cascade qui ruisselait devant elle nimbait les environs d'une lumière violette féerique. L'eau tombait sans discontinuer du plateau où était bâtie la cité, jusque dans la rivière qui en faisait le tour en une boucle parfaite, se moquant ainsi des lois de la physique. Derrière les remparts, les tours d'Al'Jet s'élevaient à des hauteurs vertigineuses, se découpant sur le ciel en une merveilleuse dentelle de pierre et de magie, tandis que des dômes étincelants rivalisaient en éclats avec le soleil. Il fallut longtemps à Mathieu pour recouvrer ses esprits, et Camille se demanda si le même air d'admiration béate s'était peint sur son visage lorsqu'elle avait découvert la capitale. Ils se mêlèrent à la foule des voyageurs qui entraient dans la cité. Mathieu ne parvint à dominer sa stupéfaction qu'en atteignant le palais impérial. Un serviteur leur apporta une collation, et peu de temps après, un aide-de-camp leur annonça que Silafian allait les recevoir. Le plus haut personnage de Gwendalavir vint à leur rencontre alors qu'il pénétrait dans la salle d'audience. Il fit signe de se relever à ceux qui s'inclinaient trop bas, avant de prendre Edwin dans ses bras. « Tu as réussi, vieux frère » s'écria-t-il. « Tu as réussi, nous avons gagné la guerre !» L'empereur recula d'un pas, les regardant à tour de rôle, puis poursuivit. « Merci, mes amis, merci d'avoir sauvé l'Empire !» Mes mots sont bien peu de choses face à vos actions, mais laissez-moi vous exprimer ma profonde reconnaissance et ma fierté. Nous avons une dette envers vous, et je n'aurai de cesse que nous ne vous l'ayons payée. » Camille se tenait près de Salim. Elle apprécia à leur juste valeur les compliments de l'empereur. En revanche, l'attitude de son ami l'inquiétait. Elle savait qu'arrivé à ce point du discours, il devait avoir beaucoup de mal à se taire. Elle lui jeta un rapide coup d'œil et se mordit les lèvres. Une petite flamme familière dansait dans ses yeux, annonciatrice d'une prise de parole intempestive et certainement outrageante. Il fallait le contraindre au silence. Alors que Silafian dressait un tableau héroïque de leurs exploits, elle aplatit sauvagement les orteils de Salim, tout en lui faisant les gros yeux. Hélas, Elana, qui le surveillait aussi, était arrivée à une conclusion similaire et au même instant, lui écrasa l'autre pied. Le garçon aurait réussi à faire bonne figure si, derrière lui, Bjorn et Maniel, sans se concerter, n'avaient pincé son cou, tandis que Maître Duhaume se retournait à moitié pour lui planter un index agressif dans l'estomac. « Succès est dû à l'entente parfaite qui a soudé tous les membres de votre groupe dans... » Salim poussa soudain un effroyable cri de douleur et bondit au plafond, en essayant simultanément d'attraper ses deux orteils, de se masser le cou et de se protéger le ventre. « Une merveilleuse amitié !» conclut l'empereur. C'est votre faute ! Se plaignit Salim. Quelle idée de me sauter dessus ! On aurait dit cinq sauvages ! ils se trouvaient dans les appartements que Silafian avait mis à leur disposition. Bjorn et Maniel occupaient toute la largeur d'un canapé conçu pour accueillir 4 personnes. Siam avait passé, à son habitude, les jambes par-dessus la coudoire d'un fauteuil. Les autres, assis autour d'une table, consultaient une carte représentant le sud de Gwendalavir. L'empereur avait pris avec le sourire l'interruption de son discours. Peu de temps après, il les avait entraînés vers un salon confortable où ils avaient partagé un savoureux repas en compagnie d'une dizaine de personnages parmi les plus importants de l'Empire. C'était maintenant le soir, et Salim tentait de se justifier. Camille le fusilla du regard. « Prétends-tu que tu ne t'apprêtais pas à interrompre l'empereur ? Non, mais pour dire quelque chose d'intelligent ? Bah, alors l'incident est clos. Tu as coupé la parole à Silafian, mais au moins tu sais pourquoi. » Salim s'approcha de la table, désireux de changer de sujet. « Pourquoi les îles Alines sont-elles si floues ? » demanda-t-il en désignant le grand océan du Sud. « Parce que personne n'en est jamais revenu pour les cartographier, » expliqua Edwin, laconique. « Et on se rend là-bas à la nage ?» Camille lui donna une tape sur la main. « Toi, peut-être, surtout si tu continues à te montrer aussi pénible. Nous, on prend le navire que nous prête l'empereur. »« Un navire ?» releva le garçon. « Je crains le pire. Je croyais qu'il y avait plein de pirates autour de ces îles d'où personne ne revient. Les deux faits sont sans doute liés maintenant que j'y pense. » Salim, tu es impossible, s'emporta Camille. Nous connaissons la situation approximative des îles et nous devrons les atteindre le plus discrètement possible. Voilà tout. Tu as d'autres questions? Ne te fâche pas, je plaisantais. Le départ est prévu pour quand? Nous partons demain en direction du sud-ouest, répondit Edwin en glissant la carte dans un étui de cuir. Il nous faudra 3 jours pour gagner la côte, ce qui me donne largement le temps de m'occuper de toi si par hasard tu décidais de ne pas te calmer.